Toujours couché sur le dos. Respiration en deux volets. Phase complète. Inspiration abdominale. En comptant le nombre de battements de cœur. Le premier battement de cœur, on le nomme 0. Le deuxième, on le nomme 1. Inspiration abdominale. 0. 1. Deuxièmement, inspiration sous-clavière. Donc, on va continuer l'inspiration en comptant jusqu'à 2. Cela va vouloir dire que nous allons compter comme ceci. Inspiration abdominale. 0, 1. Inspiration sous-clavière. 2. Par la suite, nous allons retenir la respiration en comptant le premier battement de cœur, 0, et on va comme ça jusqu'au chiffre 8. Par la suite, on expirera abdominalement en comptant 0, 1, 2. On expire les sous-clavières en comptant 3, 4, et on garde les poumons vides en comptant 0, 1, 2, 3, 4. Et on reprend la respiration. On fait un essai. Inspiration abdominale. Sous-clavière. Rétention. Expiration abdominale. Sous-clavière. Poumon vide. On reprend. Vous faites l'exercice. Je vais compter. Par la suite, vous ajusterez ce compte à votre rythme cardiaque. On y va. 0, 1, 2, rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expiration abdominale, 1, 2, sous-clavière, 3, 4, on garde les poumons vides, 2, 3, 4, inspiration abdominale, 0, 1, sous-clavière, 2, on retient, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expiration abdominale. 1, 2. Sous-clavière. 3, 4. Poumon vide. 0, 1, 2, 3, 4. On arrête. On reste couché. Il est plus stressant de pratiquer l'exercice pendant que quelqu'un compte. Ça donne une idée. Maintenant, vous allez vous-même compter, vous fier à votre rythme cardiaque, et on pratique l'exercice 20 fois. On y va. on poursuit cet exercice 20 fois. Donc, encore 10 coups. Vous devrez repratiquer l'exercice quelques fois par semaine sans l'aide de la cassette. Par la suite, vous pourrez refaire l'exercice, mais en position assise. Par la suite, en position debout et finalement, en marchant lentement. On doit bien contrôler la technique respiratoire en deux volets avant de passer à la respiration énergétique. On respire 2, 8, 4, 4.